Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour vous. Avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 à Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour voir les différentes promotions. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle qu'acheter localement protège nos emplois dans la région. Le monde de la boxe est sous choc. Patrice Lheureux, l'ancien champion canadien des poids lourds, est décédé à l'âge de 46 ans. Les causes de son décès sont malheureusement pas dévoilées encore. On en parle avec notre collaborateur Bernard Barry. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, évidemment, c'était sous choc, évidemment. Et ce qu'on apprenait de Patrice Lheureux, c'est que c'était un des premiers du groupe à signer avec le groupe Jim, hein? Oui, ben nous, Patrice Lheureux, il a été, comme tu le sais bien, il a commencé sa carrière. Premièrement, c'est un joueur de football pour les Diablos de Trois-Rivières. Okay. Par la suite, il a commencé la boxe avec Michel Giguère au club de boxe de Shawinigan. Gagné des gants d'argent, gagné des gants dorés, est allé au Canadien. Il avait gagné le championnat canadien en 1999. Il a gagné, d'ailleurs, il avait représenté le Québec aux Jeux de la Francophonie en 1997. Il avait gagné une médaille de bronze à Madagascar. Mm. Il a participé aux Jeux panaméricains, aux Jeux du Commonwealth, aux championnats du monde. Donc, malgré un talent limité, il était capable d'être compétitif dans le milieu international de la boxe olympique. En 2000, il a décidé de tourner professionnel avec Jim Girard comme entraîneur, ouais. Mon ancien entraîneur d'ailleurs, et puis à Trois-Rivières. Et puis, il a fait quelques combats. Puis nous, à l'époque, Yvon Michel et moi, on était chez Interbox et on lui donnait l'occasion des fois de participer à nos programmes de boxe. Mais en 2004, quand Interbox a fait faillite, ben là, on a parti groupe Yvon Michel. Ben effectivement, le premier, c'était Sébastien Demers. Mais je dirais que Patrice Lheureux était le deuxième qu'on a signé. Parce que, bon, on savait qu'on s'en allait pas au championnat du monde ou dans le top 10 mondial avec Patrice. Mais il y avait des gens qui le suivaient. Puis on savait qu'il était pour faire une belle carrière. Puis on visait le championnat canadien avec lui. Ce qu'il a réussi à faire, lui, quelques années plus tard contre Steve McKay. Et puis, ça faisait 42 ans que le championnat canadien des poids lourds, ça va pas être détenu par un Québécois. Le dernier avait été Clara avec Clérou, Bob Clérou, ben oui. Au début des années 60. Oui. Fait que ça avait été une belle surprise. Il l'a défendu contre Arthur Binkowski. Et finalement, ben là, ça a craché quand il y a eu les confrontations avec David Cazieux. Ça fait passer dans la carte au septième, le premier combat. Puis le deuxième, ben, perdu une décision. Donc, ça avait été des beaux combats. Ça, c'était la rivalité pour Poirier à Shawinigan. A soulevé les passions, ils ont rempli l'aréna Jacques Plante à l'époque à Shawinigan, puis le Colisée de Trois-Rivières, puis tout le monde parlait de ça, et nous, là, on aimait ça, là. C'était des beaux moments, et puis on avait deux gars, deux bonnes personnes, là, autant Patrice que David, fait que ça allait bien travailler avec des gens comme ça, puis ça arriverait plus, là, en tout cas, ça arriverait plus, ça me surprendrait beaucoup que tu arrives avec deux poids lourds de haut calibre, de région collée-collée, là, la même région, et puis que tu peux faire ce genre d'événement-là, garde, oublie ça, là, on verra pas ça. Là. C'était comme une coïncidence, mais une heureuse coïncidence qui nous a permis de mettre la boxe professionnelle à l'avant-plan en Mauricie. Puis à cause de ça, mais c'était télévisé, c'était partout au Québec. Là. On vivait pour ça, c'était vraiment magique là, comme ambiance. Est-ce que ces combats-là ont fait que Simon Keane, ça a donné Simon Keane, parce que Simon Keane vient de Shawinigan, ça a-tu un lien? Ouais, ben Simon Keane, il vient de Trois-Rivières, puis ouais. Oui, effectivement, ça a eu. Parce que à cette époque-là, Simon Keane était champion canadien junior. Okay. Et là, bien entendu, eux autres avaient besoin de partenaires d'entraînement. Puis c'est pas évident, là, les poids lourds, on sait, là, moins de payer cher, faire amener des Américains, puis gruger ta bourse. Et tu cherches tout le temps, on en trouve, c'est qui pourrait mettre les gants. Mais Keane, à ce moment-là, t'es un junior, mais il servait de partenaire d'entraînement autant qu'à Dieu qu'à l'heureux. Fait que lui, là, il a pris sa boxe un peu en se frottant à ces deux boxeurs-là, à cette époque-là. Puis ça lui a aidé dans sa carrière, qui l'a amené jusqu'aux Jeux olympiques. Là, on c'est pas rien, là. Il était aux Jeux olympiques à Londres en 2012. Wow! Mais j'écoutais Yvon Michel à la radio de Trois-Rivières ce matin, puis il disait qu'il était, encore aujourd'hui, 8 ans après sa retraite, Patrice Lheureux était beaucoup attaché au groupe Jim. Hein? Ouais, ben il était très loyal. C'est rare, nous autres, tu sais, la boxe, là, ça finit généralement, regarde, on va se dire des vraies affaires, là, ça finit sur une défaite. Des fois sur deux. Puis c'est cruel. Fait que souvent, le boxeur, ben là, quand il a perdu, là, c'est la faute à qui? Son service, c'est peut-être son coach. Service, c'est son gérant. Service, c'est son promoteur. Fait que des fois, ça finit mal. Ça finit mal parce que c'est rare que ça finit bien. Mais Patrice Lheureux, lui, a toujours resté très, très près de nous autres. On n'était pas surpris. À chaque fois qu'il passait devant nos bureaux, il faisait un détour pour passer devant nos bureaux. Il s'en allait travailler, lui, là. Il était dans le granit, là, puis il faisait des comptoirs à McDonald's un peu partout au Québec. Puis il passait au bureau, puis il arrêtait, puis il venait nous jaser, puis il était content. Puis quand on a déménagé dans le vieux Montréal, il y a 2 ans, on s'est dit, ouais, pour moi, peut-être, on va le parler. Il est venu pareil, il venait nous voir. Mm. Il a vraiment, c'est une bonne personne. Moi, j'avais une belle relation avec lui parce que moi, je voyage beaucoup. Puis Patrice avait pris goût à ça, voyager, puis avec sa conjointe. Fait qu'on avait de bonnes discussions tout le temps, puis, tu sais, on a fait des affaires avec lui. Il est allé, ils ont demandé à un moment donné d'être président d'honneur d'un show de boxe amateur à Rimouski. Yvon Michel, moi, puis lui, on s'est ramassé à Rimouski, tu sais, en plein hiver, puis ah ouais, puis des photos, mon Patrice, puis des autographes, puis il était généreux de sa personne. Tu sais, c'était tout un phénomène. Puis même, je pourrais dire, à un moment donné, quand on a fait le show, ça, je l'ai pas dit à personne, à temps, là, on avait le show à Trois-Rivières, puis à Shawinigan. À un moment donné, j'avais quelqu'un de notre organisation qui est pas connu du public, qui travaillait pour nous. Puis il était peut-être pas reposant, ben. Puis à un moment donné, moi, je suis en train de faire une activité promotionnelle à Trois-Rivières, à la rue des Forges. Puis je l'appelle pour qu'il vienne me rejoindre. Puis c'est Patrice Lheureux qui répond. Patrice Lheureux répond sur le cellulaire de mon employé. Qu'est-ce que tu fais là, Patrice? Mais dis-là, dis-moi, je suis sorti de chez nous. Puis là, il dit, je m'en allais à la rue avec mon auto, puis j'ai vu la police avait arrêté quelqu'un, puis j'ai vu qu'il avait arrêté votre gars. Ben, il a arrêté votre gars, fait qu'il dit, là, je suis allé voir qu'est-ce que c'était, là, il avait, effectivement, notre gars était dans le trou pour une coupe d'affaires, fait qu'il dit, Bernard, il dit, je vais rester ici, tant que tu viendras pas le chercher, sois pas inquiète, moi, t'es avec lui. Tu sais, il aurait bien pu passer le rep, là, il aurait bien pu pas s'en occuper, là, puis qu'il s'arrange, là, tu sais, avec la police. Mais vois-tu, il était rendu avec son style-là, puis il dit, Bernard, puis effectivement, je suis embarqué dans mon auto, je me montais à Shawinigan, parti de Trois-Rivières, montais à Shawinigan, quand je suis arrivé là, il était avec. C'est ça, c'est un gars qui a une grande générosité, une bonté, là. Vraiment, là, c'était une personne agréable à vivre, puis quelqu'un qu'on avait toujours du plaisir à voir, puis un gentil géant. Écoute, est-ce qu'il s'est rendu à la limite de son potentiel? Il a affronté avec Povetkin, là. Écoute, c'est pas un deux de pique, là, Povetkin, là, mais c'est sûr qu'il était pas de taille contre Povetkin, là. Mais est-ce que lui, il s'est vraiment rendu, on peut dire, à la limite de son potentiel? Parce que, on va se compter l'histoire, c'était pas le gars qui avait le plus grand potentiel, là. Non, sans aucun doute. Lui, son potentiel, c'est qu'il était plus grand et plus gros que les autres. Il mesurait 6 pieds 5, il pesait 260 livres. Et puis, ça partait, ça allait mal, mais à cause de son poids, à cause de sa condition physique, à cause de sa détermination, il revirait les batailles. Il menait à bout de revirer ça puis il gagnait ça. Mais effectivement, le gars a un talent bien limité, il faut le dire. Il a un talent athlétique. Peut-être au football, je sais pas, je connais pas assez ça, mais en tout cas, à boxe, là, c'était, là tu le regardais aller, tu faisais ouf. Tu sais, des fois, on regarde des boxeurs et on dit, oh, ça boxe un peu novice. Mais Pat avait ça, lui, il boxait un peu novice, même s'il était rendu place ouverte, puis même s'il était rendu champion canadien. Mais c'était pas ça son pain et son beurre, lui, là, la technique. Là, okay. Donc, t'avais beau travailler avec. C'est vrai, je me rappelle de son style. C'était pas chic. Est-ce qu'il s'est rendu au bout? Oui, il s'est rendu vraiment au bout. On l'en est plus loin qu'on pouvait. Puis il a fait une belle carrière. Écoute, il a quand même fini avec 24 victoires, 5 défaites, un combat nul. 13 victoires par knockout. C'est une belle fiche. Il était champion canadien pendant 2 ans. Voyagé, tu sais, je parlais des Jeux de la francophonie, c'est à Madagascar, en Afrique. Après ça, on l'a envoyé en Allemagne contre Povetkin. Tu sais, il a vécu des belles années. Il est allé aux États-Unis, il a fait quelques combats aux États-Unis aussi en début de carrière. Fait que, tu sais, je pense que c'était le mieux qu'on pouvait faire. Puis lui-ci, d'ailleurs, il était conscient. Pat, il était un gars intelligent, là. Ouais. Puis en plus, on se rappelle aussi, c'est quand il a travaillé comme analyste de boxe à Canal Vox avec la petite Marie-Claude Savard, là. Ça faisait tout un duo, le Marie-Claude mesure 5 pieds, l'autre mesure 6 pieds et 5. Puis elle, elle pèse 100 livres mouillés, là. Fait que, il a fait ça pendant quelques années comme analyste, puis il était drôle, là, puis il était bon. Fait que, il a touché un peu à tout, Pat, puis on va s'ennuyer de lui. T'sais, sincèrement, pour tous nous autres, quand on s'est levé pour on a appris ça, c'était un knock-out. On s'est tous fait knock-out. 46 ans. Ouais. 46 ans, Bernard. Hey, il était, semble-t-il qu'il était à la boxe samedi soir, même de ça? Oui, ben moi, habituellement, il vient me voir. Moi, je suis toujours sur le bord du ring parce que, ouais, j'ai entendu mon poste d'analyste est sur le bord du ring. Mais je l'ai pas vu. Mais généralement, il vient me saluer. Mais là, c'est sûr qu'il est peut-être arrivé plus tard. Puis moi, la boxe a commencé à 6 heures. C'est dur de venir saluer quelqu'un quand il est en onde à partir de 6 heures. Là. Fait que je l'ai pas vu, mais les gens m'ont dit qu'il était là. Ouais. Donc, tu sais, lui, anyway, il vivait pour ça. La boxe, c'était comme une passion, une drogue pour lui. Il aurait toujours été là-dedans. D'ailleurs, son ancien entraîneur, Jim Girard, qui reste en résidence maintenant, il allait le voir. Je jasais encore avec lui dernièrement. Il est allé le voir. Puis, tu sais, c'est un gars là qui est très loyal. Très, très loyal. C'est plate qu'on en parle au passé. J'ai de la peine pour son père Gaétan, que je connais aussi, son frère Jonathan, sa conjointe. Ça me fait de la beaucoup, beaucoup de peine parce que c'est un des boxeurs avec qui j'ai eu la plus belle relation depuis que je suis dans le milieu. Il s'est marié l'année passée, en plus de ça, semble-t-il. Ouais, c'est ça. J'avais été invité. Malheureusement, je savais déjà, moi, j'avais déjà prévu être dans le sud. J'avais mes billets dans les mains. J'avais pas pu assister. Il s'était marié, je pense que c'était dans le cadre du festival de Saint-Tite. Mm-hmm. Puis, en tout cas, Pat, il était bien populaire dans ce coin-là. OK. Bernard, puisque je t'ai Simon Keane a perdu samedi contre une défaite qu'on ne s'attendait pas du tout, est-ce que ça va le ramener, ça va le ramener sur terre un peu comme Steven Butler est arrivé? Ben là, il est reculé par le tonnerre, comme Butler a été reculé par le tonnerre, mais là, Butler s'est reprend, mais il a collé 6 victoires en ligne. Il est rendu dans le top 10 mondial. Là, ça va être à King de faire ses devoirs. Tu sais, il s'est mis au niveau de Carmen dans ce combat-là. Ouais. On voyait pas lequel il était meilleur. Et puis finalement, c'est lui qui s'est fait étamper. Alors que lui, il a beaucoup plus de possibilités. Premièrement, il a des possibilités internationales, ce que Carmen n'aura jamais. Mm. Fait que si on se dit s'il est pas capable de passer Carmen, qu'est-ce qui va arriver quand il va arriver en haut? Les gants ont des marteaux dans les gants. Donc, il va avoir à travailler, moi, j'ai l'impression, beaucoup au niveau défensif, pour être capable, tu sais, à un moment donné, là, quand ça se met à mal aller, là, tu sais, au lieu de te jeter dans la gueule du loup, t'es-tu capable de laisser passer le temps, là, un peu comme Beterbiev le fait. Beterbiev est allé au tapis au deuxième round, là, à la fin de semaine, là, contre Callum Johnson. Bon, mais ben, au troisième, il est revenu, il n'y a plus rien qui paraissait, puis il a repris le contrôle, puis mais ben, parce que Beterbiev, il a la défensive, puis il a le contrôle de ses émotions. Là, ça n'a pas été le cas avec King. King s'est battu comme Carmen. Il n'avait pas un meilleur que l'autre. C'était le premier qui était pour étamper l'autre. C'est ce qui est arrivé. Puis ça, il ne fallait pas qu'il fasse ça, mais pas du tout. Donc, il faut qu'il apprenne à avoir une défensive plus étanche, à être plus prudent. Tu sais, Joshua, là, il a déjà fait un combat amateur. Là. Il s'est fait knocker contre un Roumain. Là. Knockout, KO. Puis, il est champion du monde des poids lourds, là, actuellement. Là. Tu sais, il n'y a personne qui parle de ça. C'est un knockout là, à part de moins, là, tu sais. Klitschko, là, c'est déjà fait étampé, tu te rappelles, là, une couple de fois aussi. On l'a pas vu venir, Vladimir. Tu sais, là-dedans, là, ça sera pour tuer. Il faut pas que tu mettes ta face là. Là. Tu sais, ils sont rares, les polos, ils ont une mâchoire là, infaillible, là, puis ils sont pas couchables. Ouais. Fait que ça va être à lui de la protéger, sa mâchoire, là. Le North Lewis a déjà fait étampé contre Sam Rackham, Rackman. Ouais, personne n'aurait pu penser ça. Personne n'aurait pu penser ça la fois que c'est arrivé, ça. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Bernard, on s'en parle très prochainement. On va s'en parler certainement dans des conditions certainement plus heureuses. Ça marche. Bonne fin d'émission. Bye. Collaborateur Bernard.